J'entends les jaloux qui jasent, qui critiquent mes phases. Clique bras dans leur face. Ta place d'MC. Aïe. J'entends les jaloux qui jasent, qui critiquent mes phases. Je sais qu'il y en a trop qui jasent. Clique bras dans leur face, nique sa race. La plume de guerre, je déterre. Hein. Passe le mic, fallait pas vénère, MC tout terrain. J'entends les jaloux qui jasent, qui critiquent mes phases. Je sais qu'il y en a trop qui jasent. Clique bras dans leur face, nique sa race. La plume de guerre, je déterre. Hein. Passe le mic, fallait pas vénère, MC tout terrain. Paraît que je suis trop nostalgique, que mon rap est dépressif. Ma plume me sert d'antalgique. Je sais que certains apprécient, apprécient, y'a des rageux. Moi j'ai rien à prouver, si t'aimes pas, dégage. Mon 7-7 m'a approuvé. Les rimes sont pas dures à trouver, mais faut leur donner un sens. Moi j'ai des phases incandescentes, car mes textes sont mon essence. Des phrases plus ou moins blessantes à ce son ont donné naissance. C'est déjà mieux qu'un bégaiement pour ma défense. Trans, vendrais rien sans les majors. Moi défonce le net avec un gros majeur. Au moins je suis pas un plagieur qui remixe les phases à Booba. Mais je pourrais parler tout bas pour te dire que c'est des trous de balles. Ce que dit sera gratos, pourtant faut payer le matos. Moi je vous livre des 16 bastos, ça a un prix de cassos. Sur le bloc je vais monter la sauce avec Rihanna, mon assos. Pas d'assos, pas de label, mais importe tous comme Porto. J'entends les jaloux qui jasent, qui critiquent mes phases. Je sais qu'il y en a trop qui jasent. Clique bras dans leur face, nique sa race. La plume de guerre, je déterre. Passe le mic, fallait pas vénère, MC tout terrain. J'entends les jaloux qui jasent, qui critiquent mes phases. Je sais qu'il y en a trop qui jasent. Clique bras dans leur face, nique sa race. La plume de guerre, je déterre. Passe le mic, fallait pas vénère, MC tout terrain. Ta place d'MC, alias MC souterrain. Sur le terrain, je casse des reins, car ce flow n'a rien de terrien. Bête de phase, avec corps vocal cheaté. Cherche le tête à tête de face et mes rimes vont te calciner. J'entends Dablas, faut le signer. Moi j'en ai rien à foutre, il paraît que j'ai un flow stylé. Paraît que je joue bien au foot, mais à part ça, moi je suis là pour baiser tes rimes. Quand je débite, c'est terrible, moi je rappe pas par intérim. Ici le terrain est miné, mais Ali je suis déterminé. Donc parmi les faux MC, moi faut que j'en graille un millier. Tant pis si je gratte pas un billet, moi je vis ma passion. Alors les miens sont impatients de m'entendre sur les stations. Je suis rentré par effraction, dans leur putain de game. Ils me referont pas sortir, c'est sûr, faut pas que tu t'inquiètes. Les critiques me font avancer, j'ai rangé la nostalgie. Allez sur tous les sons, ça fait maintenant 10 ans que j'agis. J'entends les jaloux qui jasent, qui critiquent mes phases. Je sais qu'il y en a trop qui jasent. Clique bras dans leur face, nique sa race. La plume de guerre, je déterre. Passe le mic, fallait pas vénère, MC tout terrain. J'entends les jaloux qui jasent, qui critiquent mes phases. Je sais qu'il y en a trop qui jasent. Clique bras dans leur face, nique sa race. La plume de guerre, je déterre. Passe le mic, fallait pas vénère, MC tout terrain. Alors maintenant qui veut test, viens là que je t'efface. Ton rap, je le déteste. Clique bras dans ta face, à ta place. J'arrêterai de jacter, je viendrai agir. Et je viendrai à jeun, car ton estomac va réagir. Pareil à gifler les rageux et tous les jaloux. Pas moyen que je dérape dans leurs pieds jaloux. Disant que je fais du rap, je reconnais mes défauts. Donc reconnais mes efforts et mate la progression du flow. Ici le rap c'est des duplos, que des MC qui s'emboîtent. Boîte, paraît que c'est des shows et que ça se tire dessus en boîte. Boîte, moi l'approche la déboîte. V'là le rappeur des bois, MC tout terrain. MIS, je mets terrain, emmenez-moi. J'en ai marre, je veux que ma vie schémarre. Même si ma carrière démarre, je déclasse tous les flemmards. Attaché à mes valeurs, grand cœur de râleur. Mais s'il faut fermer des gueules, alors je serai toujours à l'heure. J'entends les jaloux qui jasent, qui critiquent mes phases. Je sais qu'il y en a trop qui jasent. Clique bras dans leur face, nique sa race. La plume de guerre, je déterre. Passe le mic, fallait pas vénère, MC tout terrain. J'entends les jaloux qui jasent, qui critiquent mes phases. Je sais qu'il y en a trop qui jasent. Clique bras dans leur face, nique sa race. La plume de guerre, je déterre. Passe le mic, fallait pas vénère, MC tout terrain. J'entends les jaloux qui jasent, qui critiquent mes phases. Je sais qu'il y en a trop qui jasent. Clique bras dans leur face, nique sa race. La plume de guerre, je déterre. Passe le mic, fallait pas vénère, MC tout terrain. J'entends les jaloux qui jasent, qui critiquent mes phases. Je sais qu'il y en a trop qui jasent. Clique bras dans leur face, nique sa race. La plume de guerre, je déterre. Passe le mic, fallait pas vénère, MC tout terrain. MC tout terrain. Alors ça dit quoi maintenant? Que des grandes gueules. Si, si. Ta place MC.